Les 43e Exposition nationale des machines agricoles et réunion des inventeurs se sont déroulées du 20 au 22 courant à l'arrondissement de Singé de la province du Fangé du Nord. Y ont participé les fabriques de machines agricoles de tout le pays et beaucoup d'unités d'activité des domaines des sciences et de l'enseignement avec plus de 240 machines agricoles, pièces de rechange, dispositifs d'une trentaine de sortes. Il y a eu l'examen, l'estimation et l'essai sur place des machines pour l'entretien du sol, l'ensemencement et la transplantation, le fumage, la récolte et le battage, des pièces de rechange et des dispositifs. À la réunion des inventeurs, on a discuté des problèmes pour l'échange et la généralisation des succès et expériences obtenus au cours de l'invention et de la fabrication de nouvelles machines et de l'introduction nécessaire à la mécanisation générale de l'économie rurale. À la cérémonie de clôture, on a décerné les prix aux meilleures unités et inventeurs.